D'accord. Je recommence. Bon, alors un morceau d'Indochine, un peu massacré, je vais essayer de le faire bien. 3, 4. J'arrive au bord du lac, j'aimerais bien que tu sois là. C'est juste un endroit à moi, j'aimerais bien que tu le vois. Avant la nuit, j'irai au paradis. Aujourd'hui, c'est juste. fatigué. Karma don't want to play. Coffee time. Mets les batteries top. Thank you.

tom. Sing it soft, but I'm another ever. Thank you. Ok. ok? Ok? Thank you. Allô. Et quand ils sont slip. Et quand ils pètent et tout son slip. Thank you.